toi et moi sur le même balcon. Imagine un éléphant des nuages dessus de nous et faire le vide tout autour de nous. Les cheveux dans le vent te rendent rebelle. De toute ta hauteur, tu te sens fier. Quand la pluie décide soudain de retomber dessus de nous, toi tu préfères chanter que le bonheur est partout. C'était la première fois que l'on pouvait se découvrir. Le soleil n'y était pas, il a préféré se cacher pour mourir. Un instant d'après pluie vu sur l'horizon, la fatigue nous gagne, nous redescendons. Quand les nuages dans le ciel se dispersent tout autour de nous, mais il y a le bruit de la ville qui nous rend sourds. C'était la première fois que l'on pouvait se découvrir. Se cacher pour mourir. C'était la première fois que l'on pouvait se découvrir. Se cache pour mourir. Les cheveux dans le vent te rendent rebelle. De toute ta hauteur, tu te sens fier.